shabas mana, to shamwana muke, na basa mikolo, to shabas mana, na basa mibele. jusqu'à Goma, en bouteillage, téléphone. Bushman Ozzy, le seul Yankee Asika. L'ambassadeur Mwamba, Boko Malanga, Dame Katanga, Frère Anke Azalie, Lambio Lambio, Frère Anke Azalie, Boyazali Mayele, Frère Anke Azalie, Boyazali responsable, Star et l'État, Serge Loukier, Koro Tcholva, Mav Mavanga, Zete Moindo Roba Kebana Burusu Valérie Lusando une deuxième fois Burusu. Sakadu sukuma, gouverneur singa, c'est la même nature. Kite Ngongo. Ndombolo, Ndombolo, Ndombolo. Rombo Ngongo. Le boy en bambouti à cordon bleu. Handomina qui disait. Baudouin Soumou. Papa na Vanessa. parisien. Les stars, nous sommes côté à Wall Street. Roger Mayemba, grande puissance. Ayo, Kanimolo Lema, Nikonza, Iolela, Iolela, Lema, Lema. Would you go? Oh, ye na ye. baby quand je wanna. Oh, et baby, my name is Sibu, mais toi, t'as qu'à. Maître Sida. Et la grand-mama, oh, papa n'a pas de. Papa n'a dit, je n'ai pas de. Le grand-mama, oh, y'a que les abattons, non, mon kibi, mon demoiselle. Magenro, my brother. Kill in London. Yeah. et Massi, Olivier Mbenga, sommet des sommets. Exactly. Bébé Cosmal. Dans ce monde de Nono Diamasika, hein. Sadam. Nelly Moussey, full option. Joli Mayel au Tikali Batikio. Ah, mon pau, Niniamo. Niniamo. Jean-Jacques Moutoualé, Papi Tarmac, ah ah ah, Didier Bélévisica. Aïe aïe aïe, qui tu as dit là, j'ai dit, les lobes à la lune, puisqu'on prend à toi, j'ai dit, ah ma monnaie, y'a qui tu as dit là, j'ai dit, ah ou ou ou ou. Aïe aïe, tu as dit, les mamans, madame, les apportés, les mamans, Samabi, boss du dancing, Samabi, Rajou Goma, multimédia, Pauline Chapou, Freddy Bajana. Fula. grâce entière. Awe! Papa Mundabi, Awe go! Ratoter, Michel, alléluia! Jean-Baptiste Boyenga Production. Mathieu Madiam Diamana Diamana Igor Tanzambi Nachetemba, Ira Chomba, le grand gérant, Major Van, Yikandolo, papa Zoé Ona. I'm not afraid of the dark. Chesa Jessica Chilanda Abidjan Yaoundé Banyango Nandoule Nenette Lelo Julie Mabea Ayeli Soussou. valorisé. Alili Kiamangana, Neri Kudia Boyoka, Karina Mayala, Motema et Roland Saboga, Menazinga Kodi Spectos, de Lor Mpaka. Mande Mande, Mama Jimmy Mamani Nande, Mande Mande, Mama Murugutu Mami Nande, O Mama Bota Liza, Yebiko Bota Chambé. Jean-Rémi Monelou, Tete Boula, Valentin Bangouze, José Mondango, Ba Californien na Yolo. Allez filer la Kilimanjaro. Pelo tendance. J3. Il y a Adida Kiesse. Merci. Merci Corinne. Azime, Anzuzu, Azime, Mwana mama mokwende, mama makatata kaya mna mwande. Mama, le grand suspect. Marcel Lumbu, Yabantissier, Yabino, Albert le banda, le minu mwaka, mes ne minu, ya mate zilendi, kasmatis. Le frère anglais, César Nzana, DJ Babou Bodiero, Patrick Mwaza. N'apportant la neige, oui. Tobina, à mon fatale. Ah, c'est lui qui tombe, c'est mon bon, c'est lui qui tombe. À Paris, petit peu. Ah, c'est lui qui tombe. Oya Bobina, c'est lui qui tombe, c'est lui qui tombe, c'est lui qui tombe. Ah, c'est lui qui tombe chez moi. Oya Bobina, c'est lui qui tombe. Panama passa, Mariana Natalia. La mota, la pointe, parfum partout au Lukonti. N'apportant la moussou, Ludovic Gabia, Tombo la Boca, Ludo Gogène et Sibel. Tari Boulou Dini, Jonathan. Yves Kambala. Tari Boulou Dini, Jonathan. Jonathan Kavendeli. Panama Sama Sepeli. Marion Digital Didier Clavier, Didier Michel, Didier H. Paul Malé, Résidence Lélis, Ido Brisson Fartana. Malela de London, le champion Omar Kongi, Rémi Matewanga. Wana tela la vie, c'est malembe. Ata osuina la vie, kaina kolanda te wo. Na kolanda exemple ya Yandre Kimbuta yango. Exemple ya Cardoso Mwamba Wankena. Exemple ya Evariste Bochabele professeur. Papi Nyango Mushemvula Brino Guadadino, ya Noela Guadadino. Ya Manda Jaline, mwana nzami tate. Ya Wesunga Papa Belange, Narkanja Kende Liboso. Ata Baja Luba Lobi, Belobi Nabangwe Kosimbate Alino Rionka. Ya Wesunga Chancel Mbemba. Dieu merci Mbokani. Rachidi Koupa. Brice Mpangi. Edi Badiata. Yanana Boduka. Tony Shondala. Dr. Tongolo. Et le président Lili Lumande. Coco Claudia Sassou. Alex Fumonti. Riva Bamolona. Simon Passi. Wedingingi. Arsène Samba. Le combattant Samba. Oh, Rex Kazadi, ma touche là. Yaya Klo Simba. sukali sukali pichu minuka daki muka kipela kitoko kabalia Blanchard Amba Blanchard Benga Okoso Ibrahim Mananga Club Beauvent toujours base oh tonto Lolas Tipo Seba Yaka Centreville Honorable Zakari Bababasso et 33 Chitenge Chora Keneno Freddy Taga Togo Modizo Bido Senga Honorable Jolino Makelele Boulet Tikali Didi Banase Védir Montago Bela Kasako Koufa Dekwa Nedi Adona Papa Nakori Ah Bakla Pavel Oye Baka Bakanina Maboko Nama Koyote Nazali Pe Esclave Tokunta Kintete Kasi Mako Kima Love Na Yo Chéri Nazali Te Pena Okutate Ya Ugengolundele Monsieur le Maire Le grand dandy de Brazzaville, ton homologue le parisien Bertrand Delanoé, a tiré la bambote. Kasi kamata maman n'a la nisae, obi na meka o kangama, na ba pa ya dino ba célébrité. À gauche, à droite, à gauche. Le boss Thomas Kouvou, le chocolat chaud. Le fournisseur officiel, Kizito Machona, Mermos Mpassi. Ramazani, au-delà de la réalité, point final, Yo Lekibango, est le soliste de tous les temps. Ricky Service, Maman Anamirdi. Aklichi Soubois, Pharmacie Bandouzi, Mère Sarah. L'infirmière libérale Michel Pondy, le pharmacien de Meaux Jean-Claude Olimbo, le véritable honorable Koulou Tourifé Mondele, Olimbo Roger Lino Mesme Boukaka, Claude Nakutala Wendes Makwati, Alain Kewa, le Tantina Nas Yozali Alpha Omega, ma bolongo nanga toujours ma sœur, papa. Betingoma, Nanusungoma, Docteur Franck Hector Mongo, Jean-Claude Kakou, Didier Armel Oleli, Parfum Basinga, Abdon Koko.